J'suis pas de mon rap, loin s'en faut. J'gagne mon fric comme classe dans le dos. Là où le poids des cartons calme, même les gars qu'on sent chaud. Un genre de chat à vos achats. Un sollicite tes cellules grises, me vaut être une sale brute. Monde binaire, ce qui porte le plus lourd, on a dans le calme. Traque ce triste univers, donne un sens à ma lutte. J'suis ce que j'suis, entre parenthèses, 8 heures par jour. J'm'efface pour ramener un peu de baisse. Mes rêves toujours changer de parcours. Le mort pour le son et l'intérim pour clapper. À la poche taf mes rimes et j'me mets à rapper. Issu d'une banlieue où le talent pour les faire. Et c'est pourtant pas le seul à galérer dans les dépôts l'hiver. Manutentionnaire, au statut précaire, la frange des petits salaires. Ça rêve du guerre en attendant sa gère. J'rappe mon histoire, un compromis entre passion et nécessité. Ou comment continuer d'y croire sans nier la mais réalité. Le jour où j'charbonne, on prend la maillot de bord. Comme un NASCAR exigeant, on place la plaque. Le vibe et la bonne, le rap n'est qu'un contractant. On stop pour changer la donne, nuit on travaille notre art. Le jour où j'charbonne, on prend la maillot de bord. Comme un NASCAR exigeant, on place la plaque. Le vibe et la bonne, le rap n'est qu'un contractant. On stop pour changer la donne. Allô, bon, se lève à la rage. Un million entame à son classe. On achève à la hache. Ton faciès, ta ganache. En stud, qu'on peut. Ici, c'est ton mic et ton casque. On a radié les sons flash. Grâce à que les trimards qui mitent MF et son masque. On dit qu'il n'y a pas de taf. T'as porté les pierres, c'est pas du chafran. On a tellement morflé qu'on pourrait se baigner dans un tas de bave. Pas fin de l'arbitrage, taf. Ni des smicards, ça. Cher en face, des plaques, pas t'as les gardes, des repas, face. Stack à l'obus. La rime, crois pas, comprendra. Pas trop de risques. Alphamie, c'est toute une liste. Lui, ma papa, d'office. Notre art sera propice. Pas de ma frade, la police. Autiste, face au bis. Check, c'est un trou, mais pas 4 gasolines. En guise de psychotrope, les mythos fuck. Artistes ici on cite nos blocs. Taquine mon micro top. Même si je trim au top. Nous rapti dos chop, ma clé Christophe. Si j'utilise trop drop. La nuit on travaille notre âge. Le jour où charbonne, on prend la maillot de bord. Comme un NASCAR donne. Exigeant, on place sur la barre. Le vibe et la bonne, le rap n'est qu'un contractant. On stop pour changer la donne. La nuit on travaille notre âge. Le jour où charbonne, on prend la maillot de bord. Comme un NASCAR donne. Exigeant, on place sur la barre. Le vibe et la bonne, le rap n'est qu'un contractant. On stop pour changer la donne. C'est un pour la rime, deux pour le succès d'estime. J'suis bon qu'à rapper, pas à jouer les messines. J'suis qu'un MC, un galant de taille, pas le Messi. Ça vient d'en bas, rap à l'instinct, sans thème précis. Envoie le son, pour la passion, j'rapperai son merci. Transformant ta MJC en Paris-Bercy. Aspine, peut-être, mais fidèle à mon style. En espérant qu'un jour ça paye, qu'on se tire. Ça conspire au portillon de ma cycle. La phare en pragmatique attire les hyènes au sein de ma clique. Nous, au fait qu'on aime et l'autoprod a un prix. De quoi tout faire péter, mais reste incompris. Alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Dans le rap comme dans la vie, sans CDI, sans contrat, tant bien que mal. Conciliant musique et taf, okay. Espérer percer, bouleverser des stats. La nuit on travaille notre âge. Le jour où charbonne, on prend la maillot de bord. Comme un NASCAR donne. Exigeant, on place sur la barre. Le vibe et la bonne, le rap n'est qu'un contractant. On stop pour changer la donne. La nuit on travaille notre âge. Le jour où charbonne, on prend la maillot de bord. Comme un NASCAR donne. Exigeant, on place sur la barre. Le vibe et la bonne, le rap n'est qu'un contractant. On stop pour changer la donne. On se nourrit pas de rap, le taf te rattrape et te lâche pas la grappe. Au niveau place ça se tape, au niveau CV c'est du bal trap. Même des rives de cachant jusqu'à Bacalan, nos perspectives ont les bras ballants. Chacun devrait vivre de son talent. Putain. Ici t'as fait, c'est tirer des palettes, trier des tablettes, filmer des packs de canettes, fixer des baguettes, fabriquer des baskets, livrer des barquettes, aider des cagettes, faire briller des assiettes pour ceux qui tirent les manettes. Et cotiser sans espérer la retraite, ramasser les ordures, élaguer les bordures et placer des clôtures. Baisser la tête sans penser que c'est trop dur, seul paramètre, encaisser les morsures. Faut augmenter la recette pour voir des cons conclure. J'crois que le RMI vu la conjoncture. CDD au PTT, gratter les RTT, se faire tester, intérim dans le BTP, des primes pour appâter, vendeur à Virgin et serveur au coursier l'été, délégué syndicaux, CGTFO ou CFTT, sans des technos cassés pour se payer des télés, la DRH c'est des PD, même geste répété, même collègue détesté, les petits chefs c'est la DST, le MEDEF fait exprès, faut dégraisser, toujours une paire de PNF à prétexter. La nuit on travaille notre âge, le jour où charbonne, on prend la maillot de bord, comme un NASCAR donne, exigeant, on place sur la barre, le vibe et la bonne, le rap n'est qu'un contractant, on stop pour changer la donne, la nuit on travaille. Le jour où charbonne, on prend la maillot de bord. Comme un NASCAR donne, exigeant, on place sur la barre. Notre vibe est la bonne, le rap n'est qu'un contractant. On stop pour changer la donne. Vous avez compris? Vous avez vu à quelle vitesse j'allais? C'est à cette vitesse qu'il faut aller, ni moins vite ni plus vite. Il faut s'empresser, toujours rapidement, d'accord? On traîne pas dans le magasin. Si vous traînez, c'est qu'il y a d'autres choses qui pourraient être faites plus vite. Et on vous paye trop.